بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères, bienvenue à tous. On va reprendre aujourd'hui, inshallah ta'ala, la série de cours qu'on a commencé il y a peu concernant les règles du jeûne. Et tout cela en se basant sur le livre de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki. Et donc ce livre intitulé Ar-Risala. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Rahimahullah, Wala ba'sa bis-siwaki lis-sa'im fi jami'i naharihi. Et il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise le siwak. Durant toute la journée. Et donc ici, il faut savoir, barakallahu fikoum, que les savants sont unanimes quant au fait que le siwak est une sunna. Et que le siwak est recommandé. Et ça aussi, ça nous montre un point important, barakallahu fikoum. L'importance que notre religion, l'islam, accorde à la propreté. Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait à la maison, la première chose qu'il commençait à faire, c'est utiliser le siwak. Et donc il est important que les hommes, les femmes fassent attention à ce sujet, le sujet de la propreté, l'hygiène. Car notre religion nous appelle à cela. Et donc, concernant cette divergence, est-ce que... on a dit que les savants sont unanimes concernant le siwak, le fait qu'il est recommandé, mais ils ont divergé concernant le jeûneur. Ici, l'auteur, il nous dit qu'il est permis, il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise le siwak durant toute la journée. Cette parole, en réalité, on peut comprendre ici que l'école malikite voit qu'il est permis d'utiliser le siwak. Ce n'est pas le cas. Le madhhab, l'école malikite, il voit que il n'y a pas de mal à utiliser le siwak pour le jeûneur, mais ce n'est pas n'importe quel siwak. C'est le siwak qui est ratb, c'est-à-dire le siwak qui est humide. Ils disent, concernant le siwak qui est sec, non. Et donc ils vont faire la distinction entre le siwak qui est humide et le siwak qui est sec. Et en réalité, il n'y a pas de preuve en cela. Ça, c'est le madhhab de l'école malikite. Ensuite, on a dans ce même sujet, le sujet du siwak, on a l'avis qui a été cité, c'est l'avis de Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Hanifa, il voit qu'il n'y a pas de mal à utiliser le siwak pendant qu'on jeûne. Et certes, il y a plusieurs hadiths qui montrent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Es-siwak matahharatun lil-fam mardatun lil-rabb. Le siwak est une cause de purification de la bouche et de satisfaction du Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit comme dans Sahihay, Laula an ashuqqa ala ummati li amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salat. Donc dans Sahihay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si il n'y avait pas en cela une difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière. Et dans une narration, chaque ablution. Et donc ici, il n'y a pas de distinction entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste, l'avis d'Abu Hanifa, rahimahullah, dans ce sujet. Ensuite, il nous reste l'avis de l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i. Les deux, ils voient qu'il est détestable d'utiliser le siwak pendant qu'on jeûne, ba'd az-zawal, après le dhuhr. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La khaloufu femi sa'imi atyabu inda Allahi min rih al-misk » Certes, l'odeur, la laine de la bouche du jeûneur est plus aimée, est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ils disent cette odeur, en général, elle apparaît donc dans la deuxième partie de la journée, donc après Dhuhr. Et donc le fait d'utiliser le siwak va enlever cette odeur. Et donc ils disent non. Pour cette raison, il est détestable d'utiliser le siwak lorsqu'on jeûne. Et l'avis le plus juste, comme j'ai cité précédemment, c'est que non, c'est recommandé d'utiliser le siwak. Et d'ailleurs, cette explication qu'ils ont donnée n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette odeur, la laine que le jeûneur va avoir, ce n'est pas une odeur qu'il y a dans sa bouche spécifiquement, mais c'est une odeur qui vient du fait que son ventre est vide. Donc c'est bien plus profond que cela. C'est bien plus profond que cela. Et donc le siwak ne va pas enlever cette odeur. Le siwak ne va pas enlever cette odeur. Et certaines personnes peuvent avoir justement cette odeur, cette haleine qui arrive même avant Dhuhr. Parfois un peu après, etc. Et donc il n'y a pas de preuve qui montre qu'il est détestable d'utiliser le siwak après Dhuhr. Donc l'avis le plus juste, comme on a dit, l'avis donc de l'école Hanafite, ici dans ce sujet, qui est que le siwak est recommandé pour le jeûneur durant toute la journée. On se rappelle de la divergence des différents avis, les preuves et tout ça. Hein ? Vous avez noté ? C'est enregistré. Alors ensuite, moi je me rappelle la première fois que j'étais venu, on avait fait une série de cours avec une Umrah gagnée pour les meilleures réponses. Mashallah, là tout le monde notait. Tout le monde notait à chaque cours. Faudra remettre une Umrah, Inch'Allah. Pour motiver un petit peu. Et donc ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, il dit « Wa la tukrahu lahu al-hijamatu illa khifat at-taghrir » Et la hijama n'est pas détestable pour le jeûneur, sauf si on craint que cela l'affaiblisse fortement. Sauf si on craint que cela ne l'affaiblisse fortement. Et donc les frères, barakallahu fikoum, la grande majorité des savants, parmi les sahabas et d'autres, voient qu'il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur fasse une hijama. Ça, c'est la grande majorité des savants, Jumhur al-Ulema. Il y a l'imam Ahmed rahimahullah qui s'est opposé à cela. L'imam Ahmed rahimahullah, lui, il voit que le fait de faire la hijama rompt le jeûne. Que le jeûneur ne peut pas faire de hijama. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aftar al-hajim wal-mahjoum. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la hijama et celui à qui on fait la hijama, les deux ont rompu leur jeûne. En fait, déjà pour comprendre ce hadith, barakallahu fikoum, il faut comprendre comment la hijama se faisait à l'époque. Parce que lorsqu'on entend ce hadith, certains peuvent se dire comment se fait-il que Al-Hajim, ok d'accord, pour celui à qui on fait la hijama, ça lui fait rompre son jeûne. Mais concernant celui qui fait la hijama, pourquoi est-ce que ça lui fait rompre son jeûne? En fait, à l'époque, tout simplement, la hijama, elle était pratiquée, les gens, ils soufflaient, ils aspiraient du moins. Et lorsqu'il aspirait, il pouvait aspirer aussi quelque chose qui rentrait dans sa bouche. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Aftar al-hajimu wal-mahjoum ». Donc celui qui fait la hijama et celui à qui on fait la hijama, les deux auront pu leur jeûne. Ça c'est l'avis de l'école Hanbalite, de l'imam Ahmed rahimahullah. Ensuite, toutes les autres écoles voient qu'il est... Il n'y a pas de mal à faire la hijama. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs textes qui montrent cela. Premièrement, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait la hijama, on lui a fait la hijama alors qu'il jeûnait. Et donc si cela faisait rompre le jeûne, il ne l'aurait pas fait sallallahu alayhi wa sallam, ou il aurait rattrapé son jeûne. Et donc ici, on voit que la hijama ne fait pas forcément donc rompre le jeûne. Dans Sahih al-Bukhari, Anas, il a été interrogé, rahimahullah, radiallahu anhu, Anas ibn Malik. Il a été interrogé, « Kuntum takrahuna al-hijama lissa'imi fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ». Est-ce que vous détestiez la hijama concernant le jeûneur à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Alors il a répondu Anas, radiallahu anhu, en disant, là, non, on ne craignait pas la hijama concernant le jeûneur. Sauf qu'on avait peur que cela nous affaiblisse. Sauf qu'on avait peur que cela nous affaiblisse. Et donc, c'est pour cela que les savants nous disent que l'avis le plus juste, c'est que le premier hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui fait la hijama et celui à qui on fait la hijama, les deux ont rompu le jeûne, ce hadith-là, il est mansour. Il a été abrogé. C'était en début de l'islam. Et ensuite, après, cela a été permis. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il l'a fait. Et que ses compagnons, plusieurs parmi ses compagnons, ils ont fait la hijama alors qu'ils étaient jeûneurs. Et ils disent qu'ils n'ont pas peur, et donc ils ne détestent pas cela. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont peur que cela affaiblisse. C'est-à-dire que la personne, on lui fait la hijama, elle perd du sang. Et ensuite, elle se sent faible. Elle se sent faible, alors à cause de cette faiblesse, elle va boire ou se nourrir pour prendre de la force. Et donc va rompre son jeûne. Mais sinon, la hijama en elle-même, elle ne va pas rompre le jeûne. Et ça, c'est l'avis de la majorité des ulama. Et c'est le plus juste, inshallah ta'ala. Ensuite, il nous dit l'auteur, « وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ » Il dit ensuite, après cela, et là, ça va être un sujet de révision, notamment pour nos frères du Nord. Il y en a un seul qui est venu, ses camarades ne pourront pas l'aider. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, celui qui se force à vomir et qui ensuite vomit durant le mois de Ramadan, alors il lui est obligatoire de rattraper ce jour de jeûne. Par contre, excusez-moi, c'est celui par zara'ul qay, c'est-à-dire celui qui vomit de manière non intentionnelle. Celui qui vomit de manière non intentionnelle, alors celui-ci, il ne lui est pas obligatoire de rattraper. Par contre, celui qui se force à vomir et qui ensuite vomit, alors là, il lui est obligatoire de rattraper ce jour. Et ce sujet, Ibn al-Mundhir, Al-Barawi et d'autres nous rapportent l'unanimité des ulema. Ça, c'est un sujet d'unanimité. Il n'y a pas de divergence sur ce sujet. le fait que celui qui se fait vomir, intentionnellement, il doit rattraper son jour de jeûne. Tayyib. Le sujet d'après, c'est un sujet un petit peu complexe, on va le garder pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. C'est le sujet de la femme. Le sujet de la femme qui est enceinte pendant Ramadan, on va le retarder pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On va aussi peut-être aborder le sujet de la femme qui allaite, puisque les deux vont ensemble. Mais avant ça, barakallahu fikoum, on a cité ici un point, c'est l'unanimité. Est-ce que l'unanimité des ulema, c'est une preuve en islam? Quelles sont les preuves en islam pour... Seulement Al-Qur'an, la Sunna, Al-Ijma, donc l'unanimité. PIS, Mashallah. Mais c'est quoi la preuve que l'unanimité c'est une preuve? Hein? Quel verset? Quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve? On l'avait déjà vu ici. On l'a vu aussi dans le Nord. Et dans le Nord, les frères, ils ont même eu un exercice là-dessus à faire, devoir en maison. Alors, quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve? Premièrement, on a dans la sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dolala » Certes, Allah ne fait pas que ma communauté se réunisse sur un égarement. Ça veut dire que si les savants sont unanimes sur un sujet, ça ne peut être que la vérité. Ça ne peut pas être un égarement. Par contre, celui qui va contredire cette unanimité, celui-là va se mettre dans une situation très difficile. Très, très, très difficile. Et c'est pour ça que les savants nous disent les livres de l'aqida en réalité. Kutub al-aqida, ils nous disent il y a kutub ijma'at. Ils disent ce sont des livres d'unanimité. Ce sont des sujets d'unanimité qu'on n'a pas le droit de contredire. On n'a pas le droit de contredire un sujet d'unanimité. L'unanimité, barakallahu fikoum, c'est une preuve tellement forte pour la personne qui étudie les textes de la législation. Pourquoi? Parce que l'unanimité met fin au débat. L'unanimité met fin au débat. Pourquoi? Tu viens avec un sujet, je te dis, Akhi, ce que tu fais, c'est pas correct. Tu me dis, oui, ce que je fais, c'est correct. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit ça dans son livre. Tu me cites un verset, mais un verset avec ton interprétation à toi. Et donc ici, tu as une preuve. Tu as une preuve, mais tu as ton interprétation à toi. Est-ce que c'est une bonne preuve? Non, ce n'est pas une bonne preuve. Mais toi, tu penses que tu as une preuve. Et c'est là qu'on va te citer l'unanimité sur ce sujet. Et l'unanimité, elle met fin au débat. Parce qu'il n'y a pas de divergence. Mais qui sont ceux qui connaissent l'unanimité? Ce sont les savants qui ont beaucoup de science, qui connaissent les divergences, etc. Ce sont eux qui connaissent où il y a unanimité. Et c'est pour ça qu'il y a des livres exprès qui ont été écrits sur ce sujet. Il y a des livres qui ont été écrits exprès sur ce sujet. Et donc il y a ce hadith que je vous ai cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la parole d'Allah azza wa jal. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission du prophète après que la guidée lui soit clairement montrée et qui suit une autre voie que celle des croyants. Les croyants, ils sont unanimes sur quelque chose. Et une personne, elle vient, elle suit une autre voie. Allah Azza wa Jal, il dit, Nuwallihi ma tawalla. Nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Wa nuslihi jahannam. Et nous le faisons brûler en enfer. Wa sa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Et donc, l'ijma' barakallahu fikoum, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est important. Une personne, elle ne peut pas émettre des fatawas. Elle ne peut pas émettre des avis juridiques si elle ne connaît pas ce sujet. Si tu ne connais pas ce sujet, tu ne peux pas émettre des avis juridiques. Il se peut que tu contredises l'ijma' à l'unanimité. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très grave. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.